Je vous en avais parlé le 16 mai 2013, puis à nouveau le 12 janvier 2014. Il faut que je revienne un instant sur G2. Les astrophysiciens espéraient voir un superbe spectacle, celui d'un nuage de gaz fonçant à toute vitesse vers le trou noir supermassif de notre galaxie. Cela aurait dû être un spectacle, car le dit nuage de gaz devait rallumer notre gros trou noir Sagittarius A star, qui se trouve désespérément calme. Pour étudier cet objet sombre, rien de tel qu'un peu de matière pour le nourrir, ce qui aurait produit pas mal de rayonnements que nous aurions pu analyser tranquillement dans le détail. Mais il n'en fut rien. Il faut se rendre à l'évidence. Il ne se passera rien cette année autour de Sagittarius A star. G2 n'a pas été au rendez-vous. La raison pour laquelle il ne s'est rien passé est aujourd'hui investiguée et plusieurs hypothèses voient le jour. Une hypothèse intéressante vient d'être publiée sur le site de Preprint Archive par une équipe allemande du Max Planck Institute. Il suggère que le nuage G2 n'est pas vraiment un nuage, mais plutôt une zone dense située à l'intérieur d'un flot de matière et qu'au lieu d'être attiré par Sagittarius A star, ce flot ne ferait que passer auprès du trou noir sans tomber dessus pour former un disque d'accrétion. Si ça avait été le cas, nous aurions eu droit à de belles émissions de rayons X et d'ondes radio. Évidemment, en n'étant pas accéléré à des vitesses folles, le gaz n'a aucune raison de produire de tels rayonnements. Le flot continu de matière que les astrophysiciens allemands évoquent aurait été extrait de l'enveloppe d'une étoile qui serait passée un peu trop près du trou noir il y a relativement peu de temps, environ une centaine d'années seulement. Ils ont remarqué qu'un autre nuage de gaz, nommé G1, découvert il y a 10 ans, avait quasi la même orbite que G2 et se mouvait dans le même plan. L'hypothèse de l'équipe qui a scruté la zone de Sagittarius A star à l'aide du Very Large Telescope est que G1 et G2 font tous les deux partie du même flot de matière qui traverse la zone centrale de la galaxie. Et c'est peu ou prou la même idée qu'avaient émise James Guillochon et Avi Loeb du Harvard Smithsonian Center for Astrophysics à Cambridge en avril dernier dans un article paru dans The Astrophysical Journal Letters. Si cela s'avère exact, il se pourrait que d'autres boursouflures gazeuses apparaissent à la suite de G2, avec pourquoi pas un passage légèrement plus près de Sagittarius A star, avec des conséquences observables. Mais il existe aussi d'autres hypothèses qui voient des choses très différemment. Andrea Ghez, astrophysicienne à l'Université de Californie à Los Angeles, qui s'est spécialisée dans la région de Sagittarius A star, pense, à partir d'autres données d'observation, qu'il y a une étoile cachée dans le nuage G2, rien de moins. Son équipe fait des images de la région de Sagittarius A star en observant la poussière interstellaire et tout indique, selon eux, la présence d'une étoile qui, par son attraction gravitationnelle, empêcherait le gaz de tomber vers le trou noir. Ils ont publié leur étude au début du mois de mai dans un Telegram of the International Astronomical Union. Quoi qu'il en soit, G2 est toujours en mouvement et pourrait traverser dans quelques années ou dizaines d'années la zone du disque de matière entourant Sagittarius A star. Toujours une occasion pour en savoir un peu plus sur ce qui se passe là-haut. Les articles mentionnés donc sont d'une part de Galactic Center Cloud G2 and its Gas Streamer par Oliver Pfull et al., un article soumis à Astrophysical Journal, et Detection of Galactic Center Source G2 at 3.8 micron during periaps passage around the central black hole par Andrea Ghez et al.